pris sur le vif. Écoutez. Je ne sais pas ce qu'avait Marie. Elle n'était pas de bon poil ce soir. C'est de ta faute. Tu fais tout pour la contrarier et après tu t'étonnes qu'elle t'envoie balader. Mais je ne lui ai pas dit de vacherie aujourd'hui. Tu parles. Il suffit qu'elle dise blanc pour qu'aussitôt tu dises noir. Répétez. Je ne sais pas ce qu'avait Marie. Elle n'était pas de bon poil ce soir. C'est de ta faute. Tu fais tout pour la contrarier et après tu t'étonnes qu'elle t'envoie balader. Mais je ne lui ai pas dit de vacherie aujourd'hui. Tu parles. Il suffit qu'elle dise blanc pour qu'aussitôt tu dises noir. Écoutez. Écoutez, monsieur, je ne vous cache pas que la santé de votre fils me préoccupe. Pour qu'on puisse envisager un traitement, il faudrait l'hospitaliser quelques jours pour des examens plus approfondis. Vous croyez que c'est indispensable? Ma femme est déjà très inquiète. Si on lui parle d'hospitalisation, elle va s'affoler. Il faut tout faire pour la rassurer et pour lui faire comprendre que c'est la meilleure solution. Répétez. Écoutez, monsieur, je ne vous cache pas que la santé de votre fils me préoccupe. Pour qu'on puisse envisager un traitement, il faudrait l'hospitaliser quelques jours pour des examens plus approfondis. Vous croyez que c'est indispensable? Ma femme est déjà très inquiète. Si on lui parle d'hospitalisation, elle va s'affoler. Il faut tout faire pour la rassurer et pour lui faire comprendre que c'est la meilleure solution.